sont mes joies, mon enfance, loin sont mes souvenirs, nostalgie. Loin, c'est pour ce coin de France que mon cœur chavire, bateau ivre. Loin, ces musiques et ces danses, ce folklore de la vie, du pays. Loin, parfois le soir j'y pense, je m'endors dans la nuit, ébloui. Où est cette lune? Et la plage de sable d'or sous son clair de lune. Dans mon âme, elle brille encore. Loin, ces jolis coquillages, ces pêcheurs au filet, ces galères. Loin, le cidre et les rois mages qui nous tournaient la tête, soir de fête. Loin, nos premiers pas d'amour au bord de la mer, au reflet clair. Loin, nos cœurs sont toujours gravés sur une pierre, à jamais. Où est cette dune et la plage de sable d'or sous son clair de lune? Dans mon âme, elle brille encore.